20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La revue Climatic Change vient nous le rappeler. Face au choc climatique, la biodiversité est menacée à court terme d'extinction massive. Plus de 4 degrés entraînant la disparition de plus de 50% des espèces dans les écosystèmes les plus riches. Depuis bien longtemps, archéologues et archéozoologues travaillent sur ces problématiques, notamment l'impact de l'homme sur la biodiversité animale, et mettent ainsi en évidence des phénomènes d'invasion, d'extinction ou d'érosion de la diversité génétique dans leur cadre historique. Pour découvrir l'histoire de ces interactions entre société humaine et population animale, Sandrine Grouard, bonsoir. Bonsoir. Archéozoologue, vous êtes maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de biogéographie insulaire et travaillez notamment sur les petites Antilles. Nous consacrerons donc ce numéro du magazine d'archéologie de France Culture à cette préhistoire Caraïbe. Sandrine Grouard, ces Caraïbes sont des îles vraies dans le sens où elles ne furent jamais rattachées à un continent. Leur forme et dimension devaient être bien différentes d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, il s'agit d'îles océaniques, au sens vrai du terme. Donc elles ont émergé en plein milieu de l'océan. Et du coup, bah, les animaux et les plantes, quand ils ont colonisé ces îles, ne se sont fait que par bateaux, bateaux naturels, des radeaux, de feuillage, en fonction des courants marins. Et également à la faveur des ouragans et des cyclones et des tempêtes. Donc du coup, ça a permis de coloniser l'ensemble des îles dès leur émergence. On retrouve ces cyclones dans l'archéologie des Caraïbes. On arrive à les voir, voir les traces. Oui, on arrive à les enregistrer dans les stratigraphies. On voit que souvent, il y a des phénomènes de dépôts de sable assez importants sur des sites de bord de mer, parfois de plus d'un mètre ou un mètre cinquante d'épaisseur, qui rappellent effectivement les cyclones à l'heure actuelle. Et à quand remontent donc les premières implantations humaines dans ces îles ? Alors, les premiers humains qui sont venus n'étaient pas sédentaires. Hein. Ils étaient nomades, des vrais nomades, des nomades de la mer. Et ils ont commencé à explorer les îles vers 5000 avant Jésus-Christ, dans les petites Antilles. Il y a eu des traces avant dans les grandes Antilles et sur Trinidad et Tobago, qui sont des îles proches du continent sud-américain. Et d'où viennent-ils exactement ? On connaît leur origine ? Alors, l'origine exacte n'est pas connue. On suppose qu'ils viennent d'Amérique du Sud en général, mais il y a des traces de lithiques, notamment avec Cuba, qui montreraient des liens avec le Yucatan. Donc des silex, des choses comme ça ? Des silex, des grandes lames de silex taillées de façon très proche de ce qui se trouve justement sur la péninsule. Entre 5500 et 500 avant notre ère, donc, peu à peu, l'ensemble de ces îles va être conquise ? Alors tout à fait. En dehors des grandes Antilles, on a surtout donc ce qui va se passer dans les petites Antilles, et notamment dans le nord des petites Antilles, à Saint-Martin et à Barbuda, on a des sites très anciens avec des travaux récents qui ont été menés notamment par Dominique Bonisson, qui montrent qu'il y a eu des implantations humaines dès 3000-3005 avant Jésus-Christ, avec des sites qui se sont spécialisés. C'était des sites hyper spécialisés. Qui probablement suivaient une chronologie, un calendrier annuel. Alors certains sites étaient orientés plutôt vers la collecte de mollusques de gros gastéropodes, d'autres étaient orientés plutôt vers des bivalves, des arches par exemple, d'autres étaient orientés sur des puffins, sur des colonies de puffins comme à Marie-Galante. Le puffin, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Ce sont des oiseaux qui vivent en pleine mer et qui viennent se reproduire sur la terre dans des îles un peu rocheuses. Et on a retrouvé dans une grotte à Marie-Galante, un niveau précéramique spécialisé sur la chasse aux puffins. Les îles sont des milieux très particuliers. Sait-on quelque chose sur leur faune avant l'arrivée de l'homme ? Effectivement, on sait ce que l'homme a consommé, mais ce qui était avant l'arrivée de l'homme est plus compliqué à trouver. Donc on a fait une campagne de fouilles dans différentes grottes aux Antilles, notamment les grottes Cadet, les abris Cadet, et on a pu retrouver un peu quelques animaux, donc notamment les chauves-souris. Il y avait beaucoup d'espèces de chauves-souris, plus d'une vingtaine, qui maintenant ont disparu, pour certaines. Il n'en reste plus que 13 à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces que ce qu'il y avait avant l'arrivée de l'homme. On a retrouvé beaucoup, beaucoup de lézards, d'amphibiens, qui étaient présents dans ces grottes. Quelles sont les dates à peu près de ces grottes sur Marie-Galante ? Alors, les niveaux les plus anciens de Cadet 2 se remontent à 30 000 avant notre ère, 32 000 même, et s'arrêtent au moment de l'Holocène. À l'arrivée de l'Holocène, vers 10 000, il y a un changement climatique important. On a encore des enregistrements, donc heureusement, puisque ça nous permet de faire le lien entre le Pléistocène et juste le moment où l'homme est arrivé, où le climat était déjà proche de l'actuel. Alors j'ai lu que, bien sûr, vous aviez des chauves-souris, que vous aviez des oiseaux marins, mais vous aviez aussi des serpents, et notamment un boa. Oui, tout à fait. Dans ces grottes, Corentin Beauchaton a identifié justement des vertèbres de trois espèces de serpents, deux couleuvres et un boa. Et comment serait-il arrivé là, ce boa ? Alors, c'est une bonne question. Il était probablement présent sur plusieurs îles des Antilles. Il y en a encore à la Dominique, qui est encore présent, un tout petit boa nain. Maintenant, l'état des recherches archéologiques sur l'ensemble de l'archipel n'est pas le même selon les îles. Donc du coup, on a que ces fenêtres qui sont ouvertes. On a quelques fenêtres sur la Guadeloupe, un petit peu sur la Dominique, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu à Sainte-Lucie ou à Saint-Vincent, qui sont les îles plus au sud. En tout cas, Sandrine Grouard, jusqu'à présent, vous avez recensé 125 taxons natifs sur les Caraïbes ? Oui, tout à fait. Les taxons sont des espèces ou des genres au niveau animal. Et elles ne sont présentes que dans cette micro-région, qui sont les petites Antilles. On va parler de natifs, mais des fois, elles ne sont présentes que sur une seule île. Donc on va parler d'endémisme. Elles ne sont présentes qu'à cet endroit-là et uniquement là. Vous avez étudié combien d'ossements, tout et pour tout ? Des milliers ? Oui, des milliers, des centaines de milliers. Je pense que j'ai dépassé le million d'ossements depuis... Ça fait en même temps 15 ans que je fais ça, donc ça fait beaucoup d'os. Alors votre métier, c'est d'être en parallèle de l'archéologue pour étudier spécialement la faune et éventuellement les modifications de l'homme sur cette faune ? Voilà. Alors, nous sommes des archéozoologues qui étudions les ossements toujours en contexte anthropique, parfois un petit peu préanthropique pour mieux comprendre au moment où l'homme est arrivé, mais nous sommes aussi des archéologues. Donc, du coup, nous fouillons des sites dans la perspective de rechercher ces ossements avec une problématique de relation entre l'homme et l'animal. J'ai découvert qu'un rongeur géant était présent, Amblyrhiza inundata. C'est ça, Inundata. C'est un rongeur qui vivait uniquement dans le nord des Grandes Antilles, sur l'île de Saint-Barth, sur l'île d'Anguilla et sur l'île de Saint-Martin. Donc probablement, ces trois îles étaient reliées ensemble au cours du Pléistocène, quand le niveau marin était beaucoup plus bas. Et donc, nous avions des îles très grandes, et qui, avec la remontée du niveau marin au cours de l'Holocène, a coupé les îles en plusieurs petites îles. Donc ce gros rongeur géant vivait à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Et pourquoi était-il géant ? Alors, il y a le phénomène insulaire bien classique du nanisme et du gigantisme, où en l'absence de prédateurs et avec une nourriture abondante, le petit rongeur n'a pas besoin de rester petit. Donc il peut se développer et devenir géant. Après, il peut y avoir aussi une histoire de compétition. S'il y a un autre rongeur sur l'île, un des deux rongeurs peut devenir minuscule et l'autre peut devenir géant. Comme ça, ils ne sont pas en compétition. Ils ont chacun leur niche. Ils vont consommer des choses différentes. C'est par exemple le cas de l'hippopotame nain à Chypre. Je sais qu'il y a une sorte aussi de rat géant en Corse. Oui, tout à fait. Il y a le Prolagus sardus en Corse qui est un rat géant de grande taille. Enfin, un lapin rat géant de très grande taille. Ce rongeur géant des Antilles a-t-il totalement disparu aujourd'hui ? Il a totalement disparu aujourd'hui. Il a même probablement disparu avant l'arrivée des premiers précéramiques sur le banc d'Anguilla et de Saint-Martin. Pourquoi ? Vous connaissez les raisons ? Alors, probablement, la remontée du niveau marin au cours de l'Holocène a, en coupant son territoire en plusieurs, a morcelé le territoire et n'a pas pu survivre parce qu'il n'avait probablement plus assez d'espace pour survivre, pour consommer des plantes. Vous avez aussi lancé un programme sur les grottes de Guadeloupe, car les populations ont aussi été cavernicoles, notamment entre 900 et 1400 de notre ère. D'ailleurs, je crois que des textes en parlent. Oui, alors effectivement, les chroniqueurs en parlent. Donc c'est notre chance au niveau des Antilles, c'est d'avoir eu des chroniqueurs qui ont visité les îles et qui ont relaté les faits notables, les choses intrigantes, les animaux bizarres, tout ce qui était exotique pour eux et qui n'existait pas en Europe. Donc du coup, on a cette archive écrite, mais à prendre avec précaution, bien entendu, puisque toujours avec ce côté exotique dans l'œil. Mais on a aussi fouillé ces grottes. Et donc, du coup, on a de réels résultats sur la présence des Amérindiens dans les grottes. On remontait jusqu'à présent à des périodes céramiques, mais en fait, il y aurait des niveaux plus anciens. Parmi les animaux autochtones, un rat est aussi passé totalement inaperçu, ce que l'on appelle le rat pylori. Tout à fait. Alors, le rat pylori, c'est un autre rongeur qui vivait aux Antilles. Qui a profité du nanisme, gigantisme potentiel des îles et qui est devenu géant, enfin, on va dire géant, la taille d'un gros chat ou d'un petit chien, on va dire, en Martinique, par exemple. C'est le Megalomys desmaristi qui a été décrit en Martinique. Mais il existe également à Sainte-Lucie, il existe à Barbuda, il existe à Antigua, il existe en Guadeloupe, il existe un peu partout. Et apparemment, nous aurions plusieurs espèces. Et il aurait été très largement consommé ? Très largement consommé par les Amérindiens. C'était un mechua. Et il y a même des sites sur Saint-Martin où il représente plus de 50% de la nourriture des Amérindiens, alors que les Amérindiens précolombiens avaient plutôt tendance à consommer du poisson. On sait comment il était chassé ? Alors, comment il était chassé, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde un peu les âges des animaux, donc on regarde les âges en regardant les usures dentaires, par exemple, et les stades d'épiphysation, on se rend compte qu'il y a un choix de la part des précolombiens. Et le fait de choisir toujours les mêmes âges pourrait laisser penser à une espèce de conservation en enclos ou une proto... domestication, un apprivoisement en tout cas. Il aurait disparu, mais disparu très très récemment, au cours du XXe siècle. Oui, hélas, il a disparu à l'arrivée des Européens. Au moment où les Européens colonisent les îles des Petites Antilles, beaucoup beaucoup d'espèces animales natives et endémiques disparaissent avec l'arrivée des Européens, la chasse, la surchasse et l'introduction de nouvelles espèces. Et les rats des rizières auraient disparu en 1900 à peu près, un peu partout dans toutes les îles, pas à cause de l'explosion de la montagne Pelée, hein, mais parce qu'il était en concurrence avec le rat noir, avec le rat brun et avec la chasse, la surchasse. Sandrine Grouard, quelle est la part de la mer dans ces îles ? La mer, c'est le lien social. C'est ce qui permet de naviguer d'île en île, c'est ce qui permet de rencontrer deux villages et d'échanger. Et surtout d'aller pêcher. Alors l'emprise de l'homme se voit très nettement justement dans les vestiges archéozoologiques et spécialement, je vais dire, ichtyologiques, ceux liés bien sûr aux poissons. Ainsi, la taille des poissons capturés ne cesse de baisser au cours des siècles. Oui. Alors il se passe quelque chose d'étrange. Les premiers précéramiques sont arrivés là-bas, ont capturé quelques poissons. On n'a pas assez de restes pour pouvoir faire des choses statistiques. Par contre, les suivants, les premiers céramistes qui sont arrivés, ont capturé de très gros poissons, des poissons pélagiques, du thon par exemple, des poissons qui sont au large, qui sont assez compliqués à pêcher, qui nécessitent des embarcations très développées. Donc ils avaient une vraie technologie. Une vraie technologie de marin-pêcheur très développée. Et progressivement, au cours du temps, ils vont s'orienter de plus en plus vers les poissons du récif corallien. Et même sur la fin de la période amérindienne, juste avant l'arrivée des Européens, sur des poissons de mangrove, sur des petits poissons, des nurseries, des petits poissons de banc qui vivent plutôt dans les mangroves et dans les herbiers. On peut réellement parler de surexploitation du milieu marin ? On peut parler peut-être de surexploitation à certaines périodes, mais surtout d'un changement économique majeur. C'est-à-dire qu'il y a un choix culturel. Dans toute cette diversité de poissons et toute cette possibilité de pêche, ils ont choisi de changer leur système économique et d'arrêter de prendre des risques et de ne plus aller pêcher en mer lointaine et de se rapprocher du bord. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Sandrine Grouard, plus on reste longtemps sur un site, plus la variété de la faune consommée diminuerait? Alors, effectivement, il se produit une grande diversité. Au début, pareil, hein, comme pour les poissons, les Amérindiens vont chercher un petit peu d'oiseaux, un petit peu de rongeurs, un petit peu de reptiles, beaucoup d'iguanes, beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces. Et progressivement, au cours du temps, on voit qu'ils se concentrent vraiment sur la lagune et ils vont sélectionner des poissons plutôt de récifs coralliens. Et du coup, il y aura moins d'espèces qui seront présentes sur les périodes finales, sur les périodes céramiques finales. Dans cette longue histoire de la conquête donc des îles Caraïbes, on a bien sûr d'abord des populations totalement nomades, qui ne possèdent pas de céramique, qui utilisent donc des embarcations. À quel moment les voit-on éventuellement produire de la céramique, être sédentaires, avec des sociétés se complexifiant de plus en plus ? Alors, vers 500 avant Jésus-Christ, il y a une nouvelle vague de colonisation dans les Antilles, donc qui suit celle, les pré-céramiques qui étaient là avant et qui faisaient leur nomadisme. Cette nouvelle vague de pré-colombiens céramistes arrive directement de l'Orénoque, du bassin de l'Orénoque au Venezuela, et passe d'île en île, en passant par Trinidad et Tobago, et ils montent dans les îles. Ils colonisent de façon très homogène et très rapide l'ensemble des petites Antilles jusqu'à Porto Rico. Et là, il y a une très grande homogénéité culturelle de ces hommes précolombiens. Puis, vers l'an 1000, vers 900, l'an 1000, il y a un changement majeur qui se produit, où la culture céramique saladoïde, on va dire, c'était la première période, tend à être beaucoup moins homogène, de plus en plus hétérogène, avec des micro-cultures un petit peu partout. Et une céramique qui se développe vraiment avec des choses très différentes d'un coin d'une île à un autre coin d'une île. Et donc cette multiplication des cultures. On aurait donc une sorte de volonté d'expansion à partir de l'Orénoque à conquérir toutes ces îles ? Probablement. Il y a peut-être une sortie du continent qui correspondrait, alors selon les auteurs, hein, soit à des changements climatiques importants, soit à des changements culturels également. Mais là, c'est pas tranché. En tout cas, Sandrine Grouard, après 500 avant notre ère, l'homme a introduit des animaux sur ces îles, et bien sûr, le chien. Le chien domestique. Le chien était domestiqué, il l'a introduit avec eux. Certains chiens étaient consommés, mangés, jetés dans les poubelles. C'était des chiens de grande taille, enfin de taille moyenne à grande. Et d'autres chiens étaient enterrés avec les morts ou à côté des morts. Ces chiens étaient plus petits, de petite taille, et souvent ils avaient des anomalies dentaires. Il leur manquait les prémolaires, ce qui rappelle les chiens sans poils du Mexique. Sauf que là, on est avant les chiens sans poils du Mexique, on est beaucoup plus tôt. C'est quoi ces chiens sans poils au Mexique ? Alors, ce sont des chiens qui n'ont pas de poils, mais qui ont souvent, parce qu'ils n'ont pas de poils, une série de gènes et d'allèles qui sont différents et qui font qu'ils n'ont pas de poils. Pas de poils, pas de dents. Il leur manque des dents. Et les premières dents qui vont tendre à disparaître, ça va être les prémolaires et les dernières molaires. Vont rester que les carnassières. En tout cas, donc, visiblement, on élève ces chiens dans deux buts. L'un, bien sûr, le chien de compagnie, va-t-on dire, et puis l'autre, le chien de que l'on va consommer. Voilà, donc le chien consommé, qui est vraiment retrouvé dans les poubelles, et le chien qui va peut-être accompagner les morts, peut-être c'est un chasseur, peut-être c'est un chien qui accompagnait les chasseurs pendant la pêche et la chasse, et probablement ces chiens étaient enterrés avec leur maître, puisqu'ils sont tous très jeunes. Les chiens qu'on a retrouvés associés aux sépultures humaines sont tous de très jeunes chiens. En tout cas, j'ai vu une photo d'une fouille, avec un très bel tombe de chiens. Alors ça, c'est sur le site de Morel, en Guadeloupe, qui a été fouillé il y a quelques années par André Delpouche. Et effectivement, il y a toute une série de sépultures humaines associées avec des sépultures de chiens. Donc une très belle, il y a une quinzaine hein, de sépultures de chiens, donc c'est une belle fouille. En tout cas, quels sont les autres animaux introduits donc sur ces îles ? Ah, alors les Amérindiens ont fait un package néolithique, on va dire. Donc quand ils sont arrivés, ils ont introduit le chien, peut-être la goutti, un rongeur pareil, un rongeur sud-américain que l'on retrouve en Amazonie, qui est un caviomorphe. Ils ont probablement introduit, on ne sait pas, mais au moins déplacé d'île en île, peut-être d'autres rongeurs, les rats des rizières. Ça, c'est pas encore prouvé. Ils ont introduit du tatou. dans certaines îles, de l'opossum, dans les îles les plus au sud. Probablement, ils ont amené des morceaux de viande ou des morceaux d'animaux, parce qu'on n'a pas des populations entières, mais quelques petites parties squelettiques, de pécaris et de cerfs du Mazama, le petit cerf d'Amazonie. Le tatou, ça se mange ? Le tatou se mange. En Amazonie, le tatou se mange. Maintenant, les morceaux de tatou que l'on a retrouvés sont quelques éléments de tatou, des pattes avant et des morceaux de carapace. Alors, est-ce que c'était pareil des animaux symboliques, totémiques, ou est-ce qu'ils étaient réellement consommés ? En tout cas, il y a aussi le cochon d'Inde qui pourrait être introduit, ou du moins qui pose problème. Qui pose problème. Alors, le cochon d'Inde, c'est encore un rongeur qui est présent au Pérou, qui est très connu et qui a été consommé et domestiqué dans toutes les Andes. Et là, quelques ossements de cochons d'Inde ont été retrouvés à Cariacou, dans le sud, dans les Grenadines, mais également à Antigua et à Porto Rico. Toutefois, ce sont toujours des mandibules dont il manque les dents. Donc, on pourrait se tromper, en fait. L'identification n'est pas aisée, avec tous les caviomorphes possibles, et puis avec les utias, qui sont des rongeurs qui existent dans les Grandes Antilles. Donc du coup, je pense que l'identification doit être revue. Ne peut-on pas penser que certains animaux introduits, notamment bien sûr le chien, mais peut-être aussi la mangouste bien plus tard, aient été de grands prédateurs pour la faune autochtone ? Tout à fait. Donc l'introduction de la mangouste a été faite à la période coloniale pour lutter contre les rats et contre les serpents dans les cannes à sucre. La mangouste, c'est très très bien. Elle a beaucoup aimé le climat antillais. Du coup, ça a adapté partout et elle est rentrée dans toutes les îles. Elle est présente quasiment sur toutes les îles de la chaîne des Petites Antilles. Et là, elle a commencé à attaquer les œufs des populations natives, des animaux natifs. Donc les œufs des iguanes, les œufs des oiseaux nicheurs. Et ils ont participé à l'éradication des espèces natives. On n'avait pas parlé de l'iguane, il était consommé lui aussi ? L'iguane était consommé par les Amérindiens précolombiens dès les premières populations saladoïdes. Alors c'était pas l'iguane vert, c'était l'iguane délica, l'iguane des Antilles, des Petites Antilles, qui était une espèce endémique de la chaîne des Petites Antilles. Et récemment, depuis les années 1950 à peu près, on voit arriver l'iguane vert dans les Petites Antilles, qui a tendance à remplacer l'iguana delicatissima de façon naturelle. Il n'a même pas besoin d'être aidé par l'homme, de lui-même, il passe d'île en île et il remplace les populations. Qu'en est-il des grands reptiles marins, par exemple la tortue verte, la Chelonia midas ? Alors les tortues marines étaient chassées aussi par les Amérindiens, elles étaient consommées. Et on les retrouve dans certains sites associés aux sépultures humaines également. Elles peuvent être des morceaux de carapace ou des carapaces entières peuvent être posées sur les sépultures humaines. Mais c'est des animaux qui sont systématiquement chassés et consommés par les Amérindiens, des adultes mais aussi des juvéniles, des toutes petites bébés tortues que l'on peut retrouver sur plusieurs sites. Elles sont chassées au filet, chassées au harpon ? Alors, les chroniqueurs relatent des chasses au harpon, des tortues marines. Mais il est probable que les juvéniles étaient prélevés dans les herbiers, au moment où elles se nourrissaient avant de prendre la haute mer. Et les tortues adultes pouvaient être aussi très facilement ramassées sur le bord de plage au moment où elles viennent pondre, en fait, c'est facile. Puisque vous me disiez que ces tortues vertes étaient aussi intégrées dans les tombes des premiers Caraïbes, pourrait-on y voir par exemple quelques animaux psychopompes ? Oui. Alors les animaux psychopompes, probablement, il y en a plusieurs. Il y a les chiens, probablement, qui aidaient à passer dans l'au-delà. On a les tortues marines qui peuvent peut-être être aussi un psychopompe. Le lamantin est un animal qui est très rarement présent dans les sites amérindiens. Et quand il est présent sous la forme d'ossements travaillés ou dans les sépultures humaines, ou associé à des sépultures humaines. Et le dernier animal, c'est le phoque moine de la Caraïbe, qui était aussi une espèce endémique, qui est éteinte à l'heure actuelle. Pareil, n'a été retrouvé associé à des sépultures humaines. Sandrine Grouard, certains animaux importés sont devenus sauvages. Y a-t-il une volonté délibérée de créer des sortes de réserves de chasse animaux introduits ? Par les Amérindiens, c'est possible, parce que la notion de domestication n'est pas la même que celle que l'on peut avoir en Europe ou au Proche-Orient. On n'a pas la, on ne désire pas maîtriser l'animal. C'est, l'animal doit vivre sa vie d'animal. Par contre, d'avoir une réserve naturelle de chasse est intéressante. Et les îles se prêtent bien à ce jeu. Donc on peut très bien imaginer que les agoutis et les rats des rizières aient été mis en enclos naturel sur des îlets ou sur des îles. Nous avons évoqué l'impact de l'homme sur les Caraïbes sous la forme d'invasion et d'extinction. Mais existe-t-il aussi un phénomène d'érosion de la diversité morphologique et génétique de ces faunes ? Eh bien oui, parce que c'est un vaste sujet. Parce que les animaux ne pouvant plus se reproduire avec la grande masse d'animaux du continent, il y a une rupture du flux génétique. Et à ce moment-là, ils vont se reproduire entre elles au niveau de l'île. Et donc, s'affaiblir d'un point de vue de tout, en fait. Et souvent, elles vont se contenter, se spécialiser sur une source de nourriture, et une plante, une graine. Et si cette source de nourriture est tarie, cette espèce ne pourra pas survivre, parce qu'elle ne saura pas s'adapter à une autre source de nourriture. En tout cas, le comportement alimentaire est un fait social, ça on le sait. Dans la longue histoire des Antilles, le cortège des animaux varie. On assiste même à une sorte d'inversion au cours des millénaires. Tout à fait, tout à fait. Donc quand les premiers précéramiques arrivent, ils ont tendance à consommer énormément d'oiseaux par rapport au site qu'on a fouillé et un petit peu de poissons. Puis les céramistes arrivant, c'est le poisson et les rongeurs qui vont dominer. Et ensuite, tout doucement, on va atteindre des 80-90% de poissons. Et brusquement, au moment de la colonisation européenne, on repasse à un maximum de mammifères, puisque eux-mêmes introduisent des mammifères du continent européen. Donc c'est la triade domestique et la globalisation. Donc à chaque fois, il y a des sortes de choix sociaux. Il y a des choix sociaux à chaque période culturelle, tout à fait. Dans cette grande diversité, hein, encore une fois, la Caraïbe est un hotspot de la biodiversité, les Amérindiens ont fait des choix. On fait des choix culturels. Parmi ces choix culturels, certains animaux seront consommés, d'autres interdits. Certains sont bons, bien sûr, à manger, d'autres sont bons à penser. La grenouille, par exemple. La grenouille est intéressante puisqu'elle n'est pas retrouvée dans les poubelles. Alors que le tamisage est extrêmement fin sur les sites que l'on a fouillés. Par contre, elle est systématiquement retrouvée sur les adornos, sur les petites représentations, les figurines animales qui accompagnent les céramiques. Donc c'est quand même un animal qui est très très très très présent dans l'imaginaire amérindien, mais qui n'est pas consommé. De la même manière, à l'inverse, on va avoir la chauve-souris, qui pareil va être très représentée sur les céramiques et qui ne va pas être consommée dans les sites amérindiens. Par contre, les deux, si on relie un petit peu les chroniqueurs, on va se rendre compte que les deux appartiennent un petit peu à la cosmogonie des Taïnos et on va avoir une opposition entre la masculinité, la nuit, la grotte, la chauve-souris, par rapport à la féminité, l'humidité, la grenouille, la couleur verte, la forêt. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites du lamantin, puisque hier vous avez présenté une conférence sur le sujet et sur cet étonnant sirénien ? Alors, le lamantin est très intéressant parce que c'est une grande quantité de nourriture potentielle, avec beaucoup, beaucoup de chair et beaucoup de graisse. Mais il n'est donc pas retrouvé dans les poubelles des Amérindiens. Et la plupart du temps, il est retrouvé que sous la forme d'un os associé à une sépulture ou pas très loin d'une sépulture ou alors des ossements travaillés. Et la plupart du temps, c'est de très, très beaux ossements travaillés. Une dernière question rapide. Aujourd'hui, tous les mammifères terrestres endémiques des îles de la Guadeloupe ont totalement disparu, Sandrine Grouard. Hélas, 100% des espèces terrestres de mammifères ont disparu. Sandrine Grouard, merci. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Manuel Couturier et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera sur le terrain au Mans pour découvrir les archéologues au chevet de la cathédrale gothique.